Chapitre 2. Allez-vous-en à Clichy-la-Garenne. La promenade n'est pas longue. Et si vous ne voulez pas y aller à pied ou en voiture, prenez tout bonnement le chemin de fer d'Asnières. Une fois là, rendez-vous à l'endroit où Paris, par l'énorme bouche du collecteur de Clichy, verse dans la Seine le torrent souterrain de ses eaux d'égout. Ce n'est pas, je l'avoue, un spectacle bien attrayant. Il répugne à l'odorat comme à la vue, mais il est curieux. Et vous ne vous ferez une idée juste de l'importance de la question que si vous avez regardé un instant le fleuve à ce point de jonction. En amont, les eaux sont limpides. Elles miroitent gaiement sous le soleil et invitent à s'y baigner. Vous les voyez aussitôt changer de couleur. On ne peut pas dire précisément qu'elles noircissent. Elles prennent cet aspect plombé que revêt le ciel en un jour d'orage. Une sorte d'huile grasse, tirant sur le roux, se répand sur toute la surface de l'eau, de l'une à l'autre rive. Il semble que le fleuve charrie plus péniblement un liquide épais, chargé de cadavres puants et de détritus infects. À vos pieds, à la bouche même de l'égout, ce sont de vastes nappes d'une matière noirâtre et vaseuse, dont l'odeur ne peut se soutenir. Aussi loin que les yeux peuvent porter en aval, on voit couler lentement une sorte de bouillie morne qui s'éclaire parfois sous un rayon de soleil des reflets glauques. Suivez le cours de la Seine, descendez jusqu'à Château et à Bougival, c'est à peine si l'eau, dans ce long parcours, a eu le temps de s'éclaircir. Qui de vous, aimables habitués de la Grenouillère, ne se rappelle le regard d'appréhension mélancolique qu'il a jeté sur cette eau brouillée avant de piquer une tête dans ce qu'il appelait la limonade. Hélas, mes amis, descendez encore, allez au Pec et à Conflans, de Conflans à Andrézy, vous retrouverez partout cette limonade. Ce n'est qu'à Poissy que le fleuve commence à s'épurer. Les matières en suspension ont fini par tomber, et l'eau recouvre, ou à peu près, sa limpidité primitive. « La Seine, dit Monsieur Alfred Duranclet, l'ingénieur qui s'est le plus occupé de cette question, la Seine, depuis Clichy-la-Garenne jusqu'aux abords de Poissy, est convertie en un vaste foyer de fermentation et d'infection, et n'offre plus, dans cette partie de son cours, qu'une eau impropre à tous les usages domestiques, mortels aux poissons, répandant à travers l'atmosphère des émanations fétides, sinon malsaines, et cela aux portes même de la capitale, au milieu de contrées luxuriantes, au pied des élégantes villas qui peuplent la splendide vallée de la Seine. Voilà qui est bien, mais ces plaintes, qui font sentir toute la force du mal, n'aident point à en trouver le remède. S'il y a une chose certaine au monde, c'est qu'une ville comme Paris ne peut pas garder ses immondices chez elle, il faut qu'elle s'en débarrasse. Où et comment? La première solution qui se présente à l'esprit est celle qui a été adoptée presque partout, parce que la nature l'indiquait elle-même, celle que nous venons de voir pratiquer à Paris. Laisser aux égouts suivre la pente des lieux et les lâcher à la rivière qui les emportera au vaste réceptacle de l'océan. Mais voilà un fleuve souillé, charriant la maladie et la mort. Voilà des bancs de matière putrescible se formant dans son lit et forçant à d'énormes et incessants travaux de dragage. Voilà enfin la vie se retirant de ses eaux et la végétation de ses bords. Ah, si l'on pouvait n'envoyer à la rivière des eaux d'égout qu'épurées et inoffensives. On a proposé beaucoup de moyens, qui tous peuvent se résumer à trois principaux. Le premier est ce que les savants nomment l'épuration chimique. Le procédé consiste à introduire artificiellement dans les eaux d'égout une ou plusieurs substances qui ont la propriété d'accélérer la précipitation des matières en suspension dans un liquide. La deuxième est l'épuration mécanique. Il consiste à laisser l'eau se décharger dans de vastes bassins des matières encombrantes et lourdes, puis à la filtrer à travers des appareils ad hoc. Un autre procédé du même genre est celui qu'a proposé M. Lhôte du Conseil municipal. Il m'a paru si ingénieux que je pense qu'il vous intéressera comme il m'a intéressé moi-même. Les matières putrescibles ne peuvent être décomposées et transformées que par des animalcules qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Et c'est même pour cela que le fleuve garde toujours intact les dépôts d'immondices qui s'engouffrent dans ses eaux. Il serait donc possible de purifier, dans une certaine mesure, et de rendre inoffensives les eaux d'égout, en les saturant d'air, en les barbotant, C'est le terme scientifique qui se trouve être le terme pittoresque. Mais ce ne serait pas une petite affaire de barboter ou, si vous aimez mieux, d'aérer une masse d'eau d'égout qui n'est pas moindre de 260 000 mètres cubes par 24 heures. Monsieur Lott lui-même a reconnu les impossibilités où se heurterait son système dans l'application et l'a abandonné de très bonne grâce. Tous ces procédés, outre qu'après essais préalables, ils ont présenté dans la pratique des difficultés presque insurmontables, sur le détail duquel je n'insisterai pas, ont un inconvénient grave. Il ne suffit pas, dit Monsieur Duranclay, que les eaux d'égout soient épurées, il faut encore, pour ne pas appauvrir le sol et la production agricole du pays, que les matières fertilisantes contenues dans ces eaux soient utilisées pour la culture, et que les procédés d'épuration appliqués par les villes conservent ces richesses au lieu de les laisser perdre sans profit pour personne. Ce n'est pas dans une feuille, qui n'a pas la prétention d'être spéciale en ces matières, qu'il convient de donner les analyses chimiques, à l'aide desquelles les savants ont établi le degré du pouvoir fertilisant des eaux d'égout parisiennes. Un seul détail vous en donnera une idée. Vous n'êtes pas sans avoir vu, et surtout sans avoir senti, dans la plaine d'Argenteuil, ces énormes tas d'immondices, de gadoux, dont les vignerons se servent pour fumer leurs vignes. Cette gadoue n'est autre chose que la boue de Paris avec ses résidus. Elle se vend fort cher et constitue un assez bon engrais. L'eau d'égout lui est infiniment supérieure et nous la jetons à la Seine. Cette seule considération suffirait à faire repousser un projet dont les Parisiens ont plus d'une fois causé. Il s'agirait de construire un égout qui longerait la Seine sur tout son parcours et porterait à la mer toutes les déjections de la Grand-Ville. Un fleuve de boue parallèle à l'autre, ce serait dépenser des centaines de millions pour se donner le moyen d'en perdre des centaines d'autres. C'est une pure folie à laquelle les ingénieurs n'ont jamais sérieusement songé. Il n'y a pour eux qu'un procédé qui, en même temps qu'il renvoie à la rivière une eau parfaitement limpide, utilise et rend à la terre les principes fertilisants de l'eau d'égout. C'est l'épuration par le sol. Nous verrons au prochain chapitre en quoi ce procédé consiste et comment Gennevilliers fut choisi pour ce champ d'expérience.